Aïe. 2008, net album, hein, Gecko, ouais. Dansant l'or. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tu sais c'est qui? C'est le G qui va compter son histoire. J'avance toujours et encore vers la gloire. Pour moi c'est père, c'est pas la mer à boire. Tiens, il faut croire qu'on m'a mis dans le noir. Je garde l'espoir et ma vie dans l'espoir. Autour de moi, c'est la haie, je te dis. Je fumais pas dans le bise et m'occupe de mes ennemis. Je trace vers le titre, sans peur petit. Le principal c'est que t'écoutes ce que ton cœur te dit. Frère, donne des ailes à tes rêves. Carpe diem dans ce monde de marche ou crève. Bref, faut les louves et surtout les garder. J'ai trop l'habitude de les claquer comme un égaré. Le plein c'est que les grosses sommes, je veux les rafler. Mais sur la route du succès, les jaloux veulent te faire valser. Mais c'est raté, jusqu'à la mort j'ai la volonté. Et je te pète mec volontiers, déterminé. Rien ne m'arrête, m'empêche pas d'avancer. Si tu ne veux pas que je te la mette, mec, c'est Gecko. T'inquiète, t'inquiète frérot. C'est trop chaud. C'est du bail posé, yo gros. Solo. T'inquiète, t'inquiète frérot. Ça fait mal au cerveau. Viens pas si t'es pas chaud. Mec, c'est Gecko. T'inquiète, t'inquiète frérot. C'est trop chaud. C'est du bail pour ses yo gros. Solo. T'inquiète, t'inquiète frérot. Ça fait mal au cerveau. Viens pas si t'es pas chaud. Mec, c'est Gecko. T'inquiète, t'inquiète frérot. C'est trop chaud. C'est du bail pour ses yo gros. Solo. T'inquiète, t'inquiète frérot. Ça fait mal au cerveau. Viens pas d'ici si t'es